c'est le coin des junkies. Quand j'y vais, je m'habille en cowboy et je porte un fusil. C'est un coin très dangereux, mais moi je suis pas peureux. En face, il y a une église. Dieu me protège de la vermine. Tout le monde ensemble. C'est le coin des junkies, des clients, des nids. C'est le coin des junkies. Thank you.